si souvent tu te vas à l'école. Si tu as des heures de colle, tes copains diront de toi Niño malo. Si le soir à la maison tu n'apprends pas tes leçons, tes parents diront aussi Niño malo. Si pour un oui pour un non tu joues le mauvais garçon, tous les gens diront de toi Niño malo. Si tu pleures, si tu cries, si tu n'es jamais gentil, de toi je dirais aussi Niño malo. Si tu pleures, si tu cries, je t'appellerai aussi Niño malo. Pourtant je sais bien qu'il y a au fond de toi un cœur gros comme ça. Alors ne fais pas semblant d'être méchant, méchant tout le temps. Redeviens Niño, Niño bonito. Si tu te fâches un peu trop souvent, si tu n'es jamais content, les voisins diront de toi Niño malo. Si tu ne veux rien savoir en anglais ou en histoire, tous tes professeurs diront Niño malo. Écoute bien ma chanson, c'est celle d'un petit garçon que tout le monde appelait Niño malo. Et si tu es comme lui, si tu n'es jamais gentil, de toi on dira aussi Niño malo. Et si tu es comme lui, je t'appellerai aussi Niño malo. Alors ne sois pas trop pressé de vieillir, pressé de grandir. Chez les grands aussi il y a des méchants, eux ne font pas semblant. Redeviens Niño, Niño bonito. Je vois déjà au fond de tes yeux que le ciel devient tout bleu et tu es en train de changer Niño malo. Y a sur tes lèvres un sourire aussi beau que l'avenir. Je crois que c'est bien fini Niño malo. On ne pourra plus te dire ou sur ton carnet t'écrire ce nom que tu n'aimais pas Niño malo. C'est fini les punitions, tu es en récréation. Jamais plus on te dira Niño malo. Maintenant on est amis, des grands amis pour la vie.